نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عبد القادر، c'est quoi les signes du مضاف du مضاف إليه؟ comment tu connais un مضاف et comment tu connais un مضاف إليه؟ المضاف إليه en premier. Tu reconnais que c'est un moudaf. C'est quoi ces signes? Ah, il a pas, voilà, il n'est pas caractérisé par, il n'est pas marifa. Il n'a pas l'alif ou l'lam, jamais. Il n'y a pas d'alif ou l'lam et. Il n'y a pas de tanouin. Il n'y a pas d'alif ou l'lam ou il n'y a pas de tanouin. Et s'il faut obligé qu'il soit marifa, il peut être marifa ou nakira. Ça dépend du moudaf il est. Il n'est pas obligé de marfou. Il peut être majro, il peut être mansoub. Ça, ça dépend ce qui vient avant lui. Le moudaf ilayhi. Il peut être un nakira sans marifa. C'est quoi son signe? Il peut y en avoir un. C'est quoi son signe? Majro. Non, il est majro. Et il peut en avoir plusieurs. Non, il peut en avoir plusieurs. حتى مثلا من مضاف مضاف إليه على إكزامبل رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله عندك طيب ساعتها كل جو كل فاز ايوه لو ان عجيب عن الأسئلة الآتية. نعم. جست قبل النص. أين كتاب محمد؟ كتاب محمد على المكتب. أين كتاب عمار؟ هو في المحفظة. في؟ المحفظة. أي محفظة؟ نعم صحيح لكن utilise le mot qui a été mis dans le texte comme ça. Hein? C'est-à-dire dans quel texte? C'est comme si c'est une... ça, c'est les questions qui sont rapportées. En fait, dans le texte, Doftar. C'est comme on scanne à rechercher dans le texte. Non. En fait, dans le texte, on dit Doftar. Là, dans la question, on dit Kitab. En fait, c'est Doftar. Moi, j'ai mis Amaru Laïsa Laïsa Kitab. Bon, tu peux dire ça. Mais je pense qu'il voulait, je pense qu'il voulait dire Kitab. Il voulait Doftar, mais il voulait dire Kitab. Ah, donc wa ala maktab al mudarrisi kitab ammar ala maktab al mudarrisi wa ma jami ayna kitab muhammad jami huwa ala al maktab naam hasa ayna hakibat al mudarrisi hiya taht al maktab naam tayyib. T'as arrêté la phrase combien dans l'exercice? On avait pas 4. Dit beaucoup, moi j'ai refait parce que. Normalement. C'était la 9, à partir de la 9. Non, à partir de la 7, je crois. Ouais, ouais, même avant. Non, non, c'est la 7, je crois. Ouais, bah ça. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Franchement, ça, moi je dirais que c'est à refaire même. Hein. Irlab, tout ça. Et... C'est pas vraiment de l'Irlab, ça, c'est un matre d'Irlab, c'est bien plus long que ça. Ouais, je sais. Ça, c'est juste, t'arrives à distinguer le Muntada. Elle a distingué ce qui est Moudov, ce qui est Moudov et les... Justement, c'est bien de nous avoir donné ça quand on travaille un petit ouais, peu, ouais. On corrige et on a des exemples. Ça. Quand tu vas faire des brefs d'Irlob, ça va pas être comme ça. Ouais, ça, c'est un, c'est un matrol. Tu vois, normalement, c'est-à-dire là, dans ce cas-là, tu dois avoir le niveau de savoir ce qu'est Moutada. Ça, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait appliquer ce qu'on a pris avant. Ouais. Le Moutada, il est là. Le Khaban, il est là, comme tu sais, parce qu'il est mal fort. Ça fait un Moudov, ça fait un Moudov et les... C'est tout. C'est pas revenir là, ça. Ça, c'est plutôt, t'arrives à distinguer tout ce qu'on a pris depuis le début. T'arrives à voir, ça, c'est Harf Jar. Donc, le nom qui est après, il est Majbour. Ça, c'est Moutada, ce qui vient au début, il est Marfour. Ça, normalement, c'est les choses qu'on a pris dans les premiers Doulos. Et ça, c'est justement, c'est à quoi? C'est une chose qui va montrer si t'as cerné ou pas. Ça, c'est, on va dire, c'est une sorte d'examen. Cette petite phrase simple, elle montre celui qui a cerné ou pas. Celui qui a cerné, il peut faire des erreurs comme ça, mais le fond, il l'aura cerné, tu vois. Même ceux qui disent, j'y arrive pas, c'est qu'on va dire, pour commencer, qui t'as depuis le début, alors. Depuis le début, oui. Depuis le début, bon. Si. Ah, parce que si on fait la relation et tous les exemples, on va jamais travailler le... Ah ouais, en fait, c'est un truc qui ramène le tout d'un coup, tu vois. Ça te ramène ton Moutada, ton Khabar, ton Khalfajar, Kazar, tout ce que tu as pris depuis le début. Ça ramène en plus, alhamdoulilah, c'est des phrases simples. Bon, on va essayer. Taïeb. Il va expliquer sa phrase. Taïeb. Naam. Ibn Ammarin. Ibn Ammarin, Talibu, ou Ibn Ayasiru. Yassirin Tajirun. Tu sais, une fois on avait marqué Aina Khabar Muqaddam. Aina wa Khabar Muqaddam. C'est bon, c'est ça? Non. Ça, en fait, sa nature, c'est un ism. Istifham. Istifham. Et sa fonction, c'est Khabar Muqaddam. Non. Ça, celui qui n'arrive pas à faire encore Khabar Muqaddam ou Akhar, c'est pas grave. Ça, c'était juste une feuille d'âge déjà en plus, tu vois. C'est important. C'est au début, quand tu as un Moutada d'origine, tu arrives à le cerner. Et quand tu as un Khabar. Et quand tu arrives à le cerner, tu as compris la phrase. Celui qui n'arrive pas à cerner, il n'a pas compris la phrase. Il va dire une phrase à l'envers. Ou... Parce qu'après, il y a quoi qui va arriver? Il y a le Sifa qui va arriver. Celui qui n'a pas cerné le Moutada du Khabar, dans le Sifa, il va se noyer. Parce que le Sifa, il va arriver avec d'autres trucs. Et il va confondre entre le Khabar et le Sifa, il va se mélanger. Donc ça, justement, ça mène à quoi? À fixer ce qu'on a pris pour ce qui va arriver derrière. Tu vois? Ça y est? Hein? Pas de bol. Vas-y. Qui commence? Madanak. Madanak. Aïna. Khabar ou Muqaddam? C'est pas Aïna. Ah, non, c'est Ibnou. Ibnou. Ah, c'est Ibnou. Non, mais pourquoi tu fais? C'est ça là. Ibnou. Ammar, il parle Ibnou. Ibnou, donc, Amma, Moudaf, Ilaï. Tu vois, et Amma, il est majeur quand même pour être Moutada. C'est une kasra. C'est pas Moutada. C'est Ibnou seulement qui est Moutada. Talibou. Talibouni. Talibouni. Là, Tanou, il est important. Parce que si tu mets. Ça prouve qu'il est le Khabar. C'est-à-dire, c'est Ibnou, Amma, Talibouni. Ou Hatfou Aq. Nam. Ibnou. Beitou. Ah, Ibn Nara, je suis en dessous. Hein. Je suis en dessous. Ibn Muqtada. Naam. Après, Yassir. Il est Moudaf. Il est Moudaf en même temps. Yassir, Moudaf, il est. Et Tadjir, pareil que ce Talibun, il est. Khabar. Voilà. Pas compliqué. Juste distinguer avec les signes qu'on a appris, ce qu'on a appris, les règles. Et après, tu sais, mais après, si t'as compris ça, la phrase, elle est cernée direct. Inch'Allah. Parce que des fois, les gens pensent qu'ils ont compris la phrase, mais en fait, ils n'ont pas compris la phrase. Ça peut être genre un explicatif qui va donner à quelque chose d'autre. Ouais, par exemple, tu veux donner une autre fonction dans la phrase, c'est tout sens de la phrase. Taïeb. Baytoul mudarrisi ba'idoun wa baytoul tajirou qaribun. C'est la même irlab, la même que le premier. C'est pas de valide. Tu l'as fait? Aïe, ouais. Baytoul mudtala. Naam. Naam. Al-mudarrisi. Et il est moudaf. Il est moudaf. Naam. المدرس مضاف إليه مجرور نعم بعيد بخبر مرفوع طيب وبيت و حرف عطف نعم بيت تو سي المبتدا مضاف مرفوع التاجر مضاف إليه تاجري التاجر و مضاف إليه مجرور و شكرا قريب خبر مرفوع على شو؟ En fait, c'est peut-être le fait que tu as regardé, ça t'a fait peur. De quoi? Quand tu as regardé, non, on le fait, ça t'a fait peur. Mais quand tu y fais, tu vois que tu y arrives. Non, ouais, mais moi j'ai fait. Bon, toi, je suis retourné pour retruquer tout, Eh ben, c'est ça qui était le but. C'était faire travailler celui-là, là. Le faire travailler, le faire chauffer, tu vois. Non, mais les dernières, elles sont un peu plus dures. Hein. Ah, mais moi, j'ai fait ce que vous n'arrivez pas à faire, laissez. Là, on fait ce qui est en vos capacités. Ça y est, et ce qui est vraiment dur, qui ressort de ce qu'on a appris, il faut laisser. Ça y est. Tatia. هذا مفتاح سيارتي اين مفتاح بيتي هذا مبتدا نعم مفتاح خبر نعم مضاف نعم سيارتي مضاف الي نعم اين خبر مقدم نعم نعم مفتاح مبتدا مؤخر مضاف البيت مضاف الي احسنت ديف اين سي با اسم استفهام Comme ça, c'est ouais. La nature. Ouais, c'est ça. T'es pas obligé de dire dans ce qu'on a dit. Bon, nous, ce qu'on sait là, c'est ce qui concerne la grammaire. Vous voyez ? Ah, bah voilà, moi, c'est pas. À chaque fois, j'étais obligé de mettre Ismou Istifa, là. Ismou Ishara. On l'a pas fait, nous, quand on l'a fait au début. Je dis, on n'a pas dit tout ça. Si tu le mets, c'est bien, tu complètes, tu vois. C'est Alhamdoulilah, mais c'était pas ça le maxoud, tu vois. Maintenant, si tu l'as fait, bah, t'as fait une ishtiyat, machallah, tu vois. Tayeb, Ashir, 10. من أنت يا ولد؟ أنا ابن عباس. من مبتدأ؟ ها؟ أيوه. ما أنت شيء دمير مخاطب. ها؟ لا justement لا تفتح تكلف. C'est pour ça que ça a été dur parce que c'est pas ça que j'ai demandé. Damir quoi ça c'est pas ça qu'on voulait. Juste مبتدأ خبر. Moudouf, moi je savais pas que c'était juste ça, c'est pour ça que. C'est pour ça qu'en fait. Ça me bloquait. Tu vois, Damien, tout ça, ça c'est pas toi qui demandais pour l'instant. Ouais, donc, tu vois, juste ce que je veux, c'est que tu sers le mot, sa fonction grammaticale dans la phrase, c'est tout. Donc, man. Man. Mubtada. T'es sûr ? Je t'ai dit nam pour voir comment t'es testé, mais en fait t'es pas revenu. Man. Ouais, c'est l'ismou. Laisse. Je laisse ça Laisse. C'est quoi sa fonction grammaticale dans la phrase Mubtada, c'est Ibtida. Qu'est-ce que j'ai raconté ? Taïeb. Man, bah, c'est ça. Man, c'est Mubtada. Ismu Istifham, Mubtada. C'est Ismu Istifham. Le Ismu Istifham, c'est Mubtada, en général, dans une question. Hein ? Le Ismu Istifham, c'est ce qu'on a appris avant. Man, bah. Là, il est Khabar Mukaddam. Khabar Mukaddam. Ouais. Et Anta ? Anta, il est Mubtada Mouakhar. Naam. Et Ya Waladou n'a pas pris, donc tu laisses. Ya, c'est Haf Nida. Nida, Naam. Mais Waladou n'a pas pris. Ya Waladou, Ya Waladou. Waladou, c'est quoi Waladou ? Ça viendra après, Inch'Allah. Tu laisse te contredire. Tu laisses te contredire parce que maintenant tu veux sauter une étape. Ya Waladou, ça va venir dans longtemps, ça, donc, Inch'Allah. On le met pas ? Là, laissez-les. On n'a pas appris Waladou. On a juste dit qu'on ne dit pas de Tanouin, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on dans une grammaire, qu'est-ce qu'on dit de lui ? On n'a pas appris ça encore. C'est tout. Haf Nida. Ah, mais Waladou, on n'a pas pris c'est quoi encore et c'est pas maintenant. Vous prenez juste ce qu'on a appris. Mubtada, Khabar, Ismajurur, Boudaf, Moudaf, Elayi. Tu vois, c'est tout ce qu'on vous. Là, on met rien, je vais laisser blanc. Tu laisses blanc. Ouais. Comme je vous avais dit, ce qu'on n'a pas appris, ce que vous ne connaissez pas, laissez-le. Voilà, c'est pour ça qu'on a parlé dur les dernières. Ah, non, on n'a pas pris ça. Attends, Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Donc moi je venais, je voulais faire des trucs qu'on n'a pas appris. Donne-moi les rap de ça, j'ai pas appris. Tu le fais, je m'en fiche, donne. Bon. Anna, bah, Damir. Aïwa. Mais Damir, c'est pas la peine, pareil. Voilà. Donc c'est bah, quoi Anna ibn Abbasin. Ouais, Anna, bah, Mubtada. Ah là, c'est tout. C'est tout. Anna Mubtada. Ibn Mudaf. Avant ça Avant de dire Mudaf, tu dis quoi Bah, il est quoi dans la phrase ? Il est Khabar. Khabar. Tayyip. Masour. Et après tu dis ? Khabar Masour, ouais. Et après tu dis ? Moudaf. Naam. Et Abbasin ? Moudaf Filet. Akat. Naam. Donc j'ai pas besoin de dire Majmour. J'ai pas besoin de dire. Si, c'est bien ça. C'est de con, comme on dit, tu vois. C'est minutieux. C'est le premier qui a pas besoin. Voilà. Enfin, en fait, t'es habitué à savoir que quoi ? Que le Moudaf Filet, il est Majmour. Que le Moutada, il est Marfour. Parce que donc, ça. La dernière fois, quand tu m'as dit Keifa Haluki. j'ai dit, ah, lui, il va me mettre dans les histoires. Parce que Alex, je vais chercher ceci. Moi, je ne savais pas que tu voulais savoir juste Kaifa, si c'est Isp ou Isp ou bien. Non, c'est par rapport à ça que tu as depuis plus longtemps que tu n'as pas réussi à répondre. Ouais, donc, je lui ai dit, Machala Mohamed, il vient de commencer il n'y a pas trop longtemps, il va montrer à ce frère-là. Parce que le frère, il avait parlé des échos. Moi, je lui ai dit, toi, dis-le. Ouais, c'est pour ça, j'ai pas compris, j'ai dit. Parce que c'est plus pour lui que pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas yé. وابن من هو وابن خالد بن هو ابن خالد seulement هو ابن خالد je veux cette phrase là seulement هو ابن خالد هو ابن خالد نعم هو مبتدا نعم ابن خبر مضاف نعم خالد احسنت اين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المدينة المنورة والصحيح فضيع المدينة النبوية منورة في عبارة الصوفي منورة المدينة المنورة ça c'est une expression qu'il faut éviter c'est à la base c'est les soufis qui disent ça la vraie chose à dire c'est il Medina tout seul ou bien le Medina النبوية la Medina la ville prophétique النبوية non parce que eux ils ont dit quoi ils sont basés sur un hadith d'Ibn Abbas où disait que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine, ouais, elle a été illuminée. Ouais. Tu vois, Nouwirat. Mais si on, comme Cheikh Yahya dit, si on marche sur cette règle-là, eh bien, Ibn Abbas lui-même, il a dit que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a dit, le Médina, Muzallama, elle est devenue sombre. Donc si on prend cette stylaire. Ibn Abbas, il a dit ça ? Aïwa. C'est-à-dire qu'après. Donc, en gros, les soufis avaient raison alors. De quoi ? Non, parce que eux, ils prennent ça comme Dalil, pour dire ça. Mais après, il y a un autre hadith qui est venu après. Enfin, une autre parole de Ibn Abbas qui est venue après, quand le Nabi Sallam il est mort, que le Médina se bat à Muzallama. Donc, c'est quoi le dernier ? Ça veut dire que Muzallama, ça veut dire donc dès que la soule n'était plus là, Muzallama. Ah non, donc c'est à dire à un moment, on devrait prendre la dernière parole, mais ça se dit pas. Ouais. Tu vois ? Donc, faut dire quoi ? Le Médina Nabawiya. C'est tout. Voilà. Hein ? Non, parce qu'en fait, leur stylène, le stylène n'est pas correct. Tu vois ? La preuve qu'ils ont prise sur laquelle ils se basent, elle n'est pas correcte. Ah, en fait, c'était tout facile, c'est bon. Hmm? Je parlais arabe. Non. Ah, si, c'est toi qui es parti, en fait, tu t'es fait un takalouf. Ah, ben. C'était une charge, tu vois, qui n'a pas été imposée. Fais, Inch'Allah. T'as fait un effort, Alhamdulillah. Tayyib. C'était chez qui? Andaman? Tayyib. Eina masjidu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ah, si, c'était arabe. Là, ça, fallait pas le faire. Bah, mais. Ça on l'a pas appris. J'ai pas dormi jusqu'à je sais pas quelle heure. On l'a pas fait celui-là. Moi je veux Eina Masjidu Rasulillah. C'est tout. Et ça c'est arabe, tout ça. On continue toujours. Allez, on continue. Ah, Eina Masjidu Rasulillah. Eina, on a dit. Eina Muftada. Non. Non, c'est. Comment il s'appelle? C'est. Eh non, c'est pas Moutada, Eina c'est. C'est quoi le contraire de Moutada? Khabar Muqaddam. Muqaddam. Voilà. Khabar Muqaddam. Masjidu Moutada Mouakhar. Rasulullah. Et. Ou Moutada et. Hein? Il est Moutada et également, il est quoi? Il est Moutada. Et. Il est Matroua. Et. Moudaf. Ah, Moudaf, on est obligé de le dire. Ah, il faut que tu dises, pourquoi il n'y a pas de Tanouin ? Parce qu'après. Ça, parce que Rasouli, derrière, il est majour. Il n'y a pas de Hafoja. Ouais. Donc pourquoi on va dire il est majour ? Parce que, il est Moudaf, il est. Ouais, donc il faut que tu précises le Moudaf qui est avant lui. Inch'Allah. Vas-y. Ouais. Fadbal ? Je suis où ? Kamil ? Roua fil Madina ? Là, tu n'as pas dit Rasoulillah. Ah, tu l'as dit déjà ? Oui, je l'ai dit, mais c'est pas grave, je file l'histoire. Bah, ouais, il est Rasoul ? Moudaf, il est. Ah Rasoul. Naam. Il est Moudaf. Il est. Moudaf, il est majour. Et il est quoi encore? Moudaf, il est majour. Et ouais. Il y a un autre truc à dire encore. Et il est Moudaf également. Ouais, il est Moudaf de l'Allah. Ah, il est Khabar aussi, non? Non, Khabar c'est Masjidou. Comment les Khabar, les majour, c'est pas possible? C'est pas Khabar. Le Khabar c'est Aïna Afouane. Et Mufdidou, c'est Moukada Mouakhar. En fait, la phrase c'est Eina Mufdidou. C'est ça, la Jumla Mufida, c'est celle-là. Les autres, c'est des compléments. Mais le pli de la phrase, c'est Eina et Mufdidou. Je croyais que Rasulullah, c'était le khabar de Majid pour savoir c'était quel Majid. Non, c'est Moudafilay. Mufdidou Rasulillahi. Taïb, Laf Jalala, Allah, qu'est-ce que tu dis? Le Moudafilay. Non. Huwa fil Majid. Hein? Pour en préciser que c'est le nom d'Allah. Quand tu dis Allah telle chose, c'est comme si tu t'attribues à Allah cette chose-là. Donc tu as adouben par comportement pour le Seigneur. Par exemple, tu ne veux pas dire Allah mudaf ilayhi. Allah c'est pas mudaf ilayhi. Allah c'est Rabbuna. Donc tu dis Allah jalala, c'est-à-dire le mot Allah. Tu vois, le mot Allah, dans son analyse grammaticale, il va être mudaf ilayhi. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, vous voyez, ta'ala amma yasifun. Il est au-dessus de ce qu'on lui décrit. Bien que nous, on sait que quand tu dis ça, tu vises pas, tu vois ce que je veux dire, mais t'as Douben qu'on habitue nos langues, tu vois. Et les Moudaf, il est Majnoun. Et les Moudaf. Et les Moudaf. Naam. Wallah Zialala. Moudaf, il est. Naam. Voyez. Ensuite, Wafil Medinati, El Mounawira. Moi, je veux juste Wafil Medina. هو في المدينة عندك يا عبد القادر نعم هو مبتدأ نعم في حرف جر نعم المدينة وجمع اسم مجرور نعم اسم مجرور نعم الخبر سي في المدينة دو كوا كيف اسم مجرور المدينة هو مدينة الخبر سي في المدينة نعم الخبر سي في المدينة المنورة سألني عفقا إن شاء الله طيب تخذ في سي حرف جر نعم نعم لا دي ايه ابقى مدينه اسم مجرور اسم مجرور ايوه هي المنوره ولا تبقي اوكا بنت حامد في المدرسه وبنت محمد في الجامعه بنت مبتدا نعم حامد و مبتدا و مبتدا مرفوع و بنت حامد هي معرفه دوكا بنت بنت اللي مبتدا ايه et Mubtada ou wa wa Mubtada wa Mua Mu'anna Lal, on n'a pas compris ça. Hein, de quoi? On est où? Bintu le premier. Mubtada wa Aslihak Allah ya Muhammad. Ça fait deux fois. Dans cette question. Wa. Wa al khabar. Kif. Mubtada wa khabar. Non. Mubtada wa bintu hamidin. Mudaf. Naam. Mudaf. Tayyib. Hamid. Ha? Hamid. Il est khabar. Hamidin khabar. Non, il est. C'est ismu. ما في اسم لا لا لا لا لا لا نعم propre لا لا لا لا rien de ce qu'on a pris depuis le début on sort pas de ce qu'on a pris depuis le début bon Hamid bin Majrou pourquoi bah parce qu'il est il est خلاص هذا Hamid مضاف اليه مجرور فقط pas de dire اسم pas de dire وعلامة جرية كذا on n'a pas encore pris ça si on l'a fait nom propre ouais mais ça rentre pas dans les règles ça. Ça rentre pas dans, déjà dans. C'est la nature, ça. Ah ouais, ça rentre pas dedans pour l'instant. Ça se dit, même quand tu feras une vraie arabe plus tard, ça se dit pas. Isma Alam Kazak, ça se dit pas dans l'arabe. Ça se dit juste pour les noms qui sont mabni. Et ça renseigne pas sur, sur sa fonction grammaticale. Ouais. Bintou, j'ai dit Khabar, j'ai dit Moukta. Donc après, Naam. Et tu vas dire. Hamid Mdoafilei. Fil Madrasati. Si. Naam. El Madrasa. Majour. Naam. Et le Khabar, c'est Fil Madrasa. طيب وبنت محمد في الجامعة في نفس الشيء تفضل وحرف عطف نعم بنت مبتدا نعم مرفوع مضاف أحسنت في حرف جر نسيت محمد مضاف إليه أحسنت في حرف جر توجور نعم الجامعة في الجامعة خبر جامعتي مضاف إليه جامعتي ouais. في Jamaati, ouais, c'est majoum. Ah ouais, pourquoi? Bah parce qu'il y a fille, il y a harf jar devant. Toi, t'as pas dit ça au début. J'ai dit quoi? T'as dit boudin filé. T'as dit boudin filé. Tayeb. اسم المدرس سعيد سعيد واسم المهندس خالد نعم اسم نعم نعم مدرس مضاف إليه مضاف إليه سعيد خبر أحسنت وحرف عطف نعم اسم المبتدا نعم مهندس ومضاف ومضاف ومضاف نعم مهندس فاعل مضاف إليه خالد خبر نعم أحسنت 15 عم الطالب غني فاسيل سورة سهل هذا سهل جدا تفضل لفاسيل سورة تفاسيل عم الطالب أيوة عم مبتدا نعم و ومضاف نعم طالب مضاف إليه نعم غني خبر أحسنت باب المسجد مفتوح وباب المدرسة مغلق باب مبتدا مضاف المسجد مضاف إليه مفتاح خبر وحرف عطف نعم باب مبتدا مضاف مدرس مدرسة مضاف إليه معلق خبر نعم تقع على من فقال له خالو حامد فقير خالو مبتدا مضاف خالد مضاف إليه حامد حامد نعم صفة تجي خالد خالد في حامد نعم حامد مضاف إليه نعم فقير و je connais pas de Ah ouais, on n'a pas entendu Khabar. J'ai entendu Fakirun, Souma, Souma Soukout, silence, et après, je t'ai regardé, après t'as fait ouais. J'ai pas entendu Khabar. Pour toi, c'est logique, mais moi, je vais l'entendre. Pour être sûr que vraiment, c'est Zaki, Inch'Allah. Puis les frères qui écoutent pareil, ils vont dire, ouais, c'est quoi, ouais? C'est dire quoi, ouais? J'ai un dictionnaire, ouais, ils trouvent pas, tu vois. Sayyaratu Abbasin fil Sharia. سيارة مبتدا مضاف عباس مضاف إليه في حرف جر سيارة اسم مجرور لنصم في سيارة خبر لا في الشارع نعم الشارع في العبيد نعم كم هو ديون انجلي في فاسم شارع سابقا على فاسم شارع عين نعم في فاسم يتبابك لا لا شارع في الشارعي ابن من أنت سلون لس أنا ابن المدرسي أنا كنت معجب شيء مبتدا نعم ها؟ نعم شو أنا مبتدا ابن شيء مضاف أفصى quoi Avant de dire Moudaf, qu'est-ce qu'il est Ben, Khabar. Naam. Moudaf. Al-Moudaf ici, Moudaf il est. Naam. Il manque quelque chose. Là. Aina al-Kalbu. Aina man anta. Ah non, Ibn man anta. Pourquoi là on a jamais, on l'a pas fait ça Non, on l'a pas encore fait. Donc, on sait pas c'est quoi en gros. Aina al-Kalbu. Aina. Khabar الكلب مبتدا مؤخر احسنت هو اين اتكوا اين خبر مقدم هو تحت سيارتي هو تحت سيارتي سابولي سي اوسي هاي تحت لا فتحه تحت انا باكو بي طيب على بس هو في مبتدا وتحت سيارتي في خبر Mais tahta c'est pas harf jar. C'est un fi'al. Non, c'est pas un fi'al. C'est un zarf makan. Ça viendra après, inchallah. On l'a fait zarf makan. On n'a pas pris les règles. On a pris le nom, c'est tout. Oui. On n'a pas pris les règles. Pourquoi il y a une fatha? Tu le sais pourquoi? Non. On n'a pas pris les règles. Non. Donc c'est compris ça? Donc c'était pas énorme. Non, mais moi, pour moi, il fallait dire ça. Il fallait non, dire non, que non. Pour Tout ça, c'était pas à dire. Fallait faire comme on a fait nous ensemble. Quand on a commencé, on n'a pas dit tout ça. Tu vois, on n'a pas dit tout ça, toutes ces choses-là, on ne les a pas dites. Si, on n'a pas dit, mais moi, je te demandais ça, c'est quoi ? Et moi, je mettais Malfour. Malfour, c'était bien. Ça, non, ça, c'est pas la fin. Moufa, tout ça. Tout ça, non, ça, c'est pas la fin. Ça, c'est. Ça veut dire en dessous. Zorf, mécanique. Zorf, Zorf. مكان ظرف مكان دوك يا تاع ايش هو ظرف مكان à ça, il fallait le faire le reste. Où ça ? Lequel ? Numéro combien ? Là, là. Kawin. Nam. On avait fait Babou, après on a fait Aïna, même t'as dit Adjilatou. Tu te rappelles ? Eh ouais, Nam, je pense que je me rappelle Nam. Là, là. Kawin. Là ? Voilà. Ça, on avait fait. Ça, on avait dit compléter. Et après, on s'est arrêté. Le deuxième, il a dit on fait à la maison comme ça. On a arrêté de voir. Ça y est. La troisième, c'était Mohammedun sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul. Allahi. Rasoulou. Allahi. Ou Rasoulullah. Rabian. Et tabibi ba'idun. Pas grave, c'est pas fait. Improvise. التبيبي بعيد مثلا المبتدا كمضاف الطبيب خالد الطبيب بعيد ايش خالد لا خلاص خالد الطبيب اللي loin ouais mais خالد comme il a dit خالد خالد ici c'est quoi c'est un مبتدا ها comme il a dit Khalid ou Tabib. Là, on a un Moutada qui est Moudaf. Comment on dit cabinet ? Prends le mot qu'on a appris. Ah, je sais pas. Prends un mot simple. Bait ou Tabibi. Excellent. Bait ou Tabibi, Baïdoun. Et comment tu dis cabinet, comme il a dit ? Ah, cabinet, je sais pas comment on dit. Je dis Rulfat al-Ayada. Le cabinet de visite, tu vois. Maintenant, au cabinet en lui-même, tu connais pas de mot, tu vois. Son vrai écrit Rulfa. Moi, tu avais dit quoi? J'avais dit quoi? Adjla? Ouais. Adjla, ouais. C'est la roue. Ouais, la roue. Ouais. C'est Daraja, c'est quoi? Daraja, c'est le vélo ou la moto. Ouais, Daraja. Ça peut être aussi des échelons. Ouais, voilà. Des grades. Al-Qur'anu kitabu. Non, Al-Qur'anu kitabu Allah. Khajiatu Hamidin. On a besoin d'un khabar moudaf maintenant. On a besoin d'un khabar moudaf. Khadijatou, c'est quoi le dernier mot déjà ? Hamidin. Ukhtou ? Non, Ahsan. Non, moi je suis pas d'accord. Liesh. Il a dit quoi ? Ukhtou. Tayeb, Sabian. Ana m al-mudarrisi. On a besoin d'un khabar moudaf saï. Ana bnu al-mudarrisi. Non, Ahsan. ثامنا الطالب المكسور ولا زال مبتدا مضاف نعم وهم السلاح سواء سلاح طالب مكسور نعم السلاح سلام نعم تاسعا باب مفتوح باب الفصل مفتوح عاشرا خرج المدرس من مكتب المدرس المديري ايوه ايش كنت لكن مديري طيب on a dit qu'après un harf nida comment il vient le nom propre qui vient derrière hein damma fatanouin si tu dis damma damma ça fait fatanouin attention à ça comment on dit damma fatanouin en arabe Ouais, tu dis Satan, oui. Ouais, moi, c'est pour comment ça que je disais ma foi. Hein, y a pas, je connais pas de nom particulier qui qualifie le tout. Dans l'arabe, c'est un arabe, il veut dire ça, il dit quoi ? Il Il dit quoi? Bidoun Tanouin. Ah voilà, il dit Bidoun Tanouin. Ouais. Malfoua. Malfoua. Il n'est pas malfoua. Eh ben moi, c'est ça qui me. C'est ça, c'est comme ça. Malfoua, c'est quand il y a un damant. Hein? Malfoua, c'est quand il y a un damant. Ma'arif. Ah. Le asl. Voilà. Hein? Asl. L'origine des choses. Je vous ai dit, il ne faut pas prendre les choses de façon catégorique. Ouais. Là, on prend les choses primaires. Après, il y a des branches, des exceptions qui viennent. Vous allez voir que le marfour, ça peut être autre chose qu'une bonne main aussi. Ouais, bah ça venir après. C'est ça que moi, ça va venir après. Quand il était marfour, ça pouvait être tanouin aussi, ça pouvait être toun. Oui, oui, ça peut être toun. Mohammedoun, c'est un tanouin. Voilà. Et ça, il est marfour. Ouais. Et si tu dis, Beytou, Mohammedin, Beytou, le marfour aussi qu'une damma. Mais il n'y a pas de tanouin. Mais les deux, c'est damma. Damma, damma, damma, c'est damma, c'est la damma. Maintenant, tanouin, c'est parce que elle est doublée. Et marfour, ça veut dire que c'est en Ou nous ce qui les remplace, Nam, comme ça vient plus tard. Il y a d'autres choses qui sont des signes de, du malfoi. Ah, comme par exemple, ah, j'avais entendu, comme par exemple, il y a d'autres choses. Sama, c'est en I, mais il est malfoi par la carte sur la c'est ça? Des trucs comme ça? Là. Non. Il y a d'autres signes qui viennent sont dans des mots qui ne prennent pas de Dhamma. Il y a des mots qui ne prennent pas de Dhamma. Mais il est malfoi. Il est malfoi. Tu as d'autres signes qui prouvent qu'il est malfoi. Ah, d'autres choses qui le prouvent. On dit quoi alors? On dit. Ça viendra après. Inch'Allah. Là, c'est dans l'Ujulumiya, ça. Ou peut-être dans le Kitab 2, alors, là. Ça commence. Donc, quand on dit « Ya Mohammed » avec un « Isma Alam » derrière, celui qu'on appelle. Si tu veux répondre en arabe, tu diras quoi? Hein? Si tu veux répondre en arabe. Sur quoi? Qu'il y a une dhamma, tu dis pas. Tu dis ça, le mounadi est toujours... Rémunawan. Réponds en arabe à la question, comment tu vois un « Isma Mounadi » ou « Mounadi » ou « Nida » Tu réponds comment en arabe? « Harfou Nida » Il a un nom déjà, t'offre, à la base. De quoi? Ça s'appelle Munada. Ouais, Munada. Ouais. Tu connais Munada, tu connais ses règles. Ouais. Tu dis moi Munada. Et après, Munada, ça n'a plus toutes ses règles avec. Voilà, c'est en... Et puis en Dhamma, là, c'est hein? Dans le cours qui arrive. Là, c'est... là tu vas dans l'Irlob, là, c'est... ça va loin. Là, tu es mélangé entre le Bemni, avec le Mahal, la Kaza, Kaza, Kaza. Ça va bien plus loin. Si tu veux savoir, là, on va y aller tout de suite. Mais non, là, il m'a posé la question. Tu nous as dit quoi, Hafou Nida? Je lui ai dit, le nom qui vient derrière, l'Isma Alam, il est Fatonwin. C'est tout. Mais Dhamma à la fin, c'est un win. Mais il n'est pas marfou. Il n'est pas marfou parce que. Ouais, parce que nous, on croyait que marfou, c'est où? C'est l'origine. Moi aussi, c'est ça. C'est l'origine, c'est l'origine. Voilà. C'est l'origine des choses. Ça, mais là, il n'est pas marfou. D'accord. Ça y est. Mais en tout cas, il n'y a pas de tanouin. Il s'écrit avec une Dhamma sans tanouin. D'accord. Et il n'est pas moudof. Et il est ma'alifa. Il s'appelle comment Hafounida? Là. Hafounida, c'est Ya. Et lui, c'est El Munada. El Munada. Okay, on va y arriver. Tu vois. Tu le crées, écris-le, par la baisse, mais ça s'appelle El Munada. El Munada, il a des règles. Et il a des catégories. Et ça, c'est une chala dans El Ujurumiya. T'aurais dû mettre Ya, tu dis Hafounida, Mohamed. El Munada. Hein? El Munada. Da, avec elle. Da, d'elle, après un alif maksour. Un alif en forme de Ya à la fin. Da. Un alif en forme de Ya. Comme Moussa. Comme Moussa, voilà. Ouais, ouais. Adif Maksour, comme on dit. Il a des règles. Mafoum Hada. On s'est compris? Ben, Inch'Allah, aujourd'hui, on se compte peut-être ça. Ça a été une Mouraja. Allez, comme ça, là. Voilà. Et on, est, ah, là, et on a vu que c'était pas si gros que. Ça, c'est impeccable. Les mourages comme ça, ça, il nous faut ça souvent. Oh, mais ça, on va en faire, Inch'Allah. Ah, ouais, ouais. Alors, au bout du dixième def, je vous interroge depuis le début. Voilà. Et c'est quand qu'on commence les hymnes-là, là? Hymnes, quand tu auras plus de vocabulaire. Hein? Ça dit quoi? Quand tu auras plus de vocabulaire. Là, c'est quoi, hymnes-là? Dictée. Si, il faut plus de vocabulaire. Okay. Un mot, tu le connais même pas. Comment tu pourras l'écrire? Bah, en général, là, quand on lit. Hein? Après, on s'habitue à lire un petit peu et après, Inch'Allah, on en prend. Bismillah. Vous voulez acquérir plus de vocabulaire et après, Inch'Allah, on fera des bismillah. Là, c'est Founa? Là, on a pris Founa. Arrête là, Inch'Allah. Le temps, il est venu. Founa. Walhamdulillah, Rabbil Alameen.